Telle est la vie. Il n'y a pas de soumis, mon gars. Regarde-moi dans les yeux, tu dirais que je suis un menteur si je te disais tout. Rêver du million, c'est parti ambitieux. Y'aurait sûrement 100K en plus si on remontait tout. En vrai, mais que des gens sérieux au milieu du milieu. Moi et mes refs pas destinés à crever vieux et pieux. La CR est chargée de trois poteaux, vont pas passer l'été. Et par débriété, je m'adresse aux cieux comme si Dieu m'entendait. Sa mère le rap, sa mère la comédie, sa mère la promotion. Je t'en des vraies discussions. Veste en cuir, dans en cuir, tu vois je veux dire. Réunion criminelle, je t'en une pièce où ça pue la javel. Tu sens la prise, enfant de la crise. Trop réel pour la télévision. J'étais au four pendant les révisions. Même la tolérance a ses limites. On pose 10K et c'est un petit 2000 qui t'élimine. Parano, je passe la caisse au pont. J'ai fait du chemin depuis le ton catalan. Là ma voiture, c'est le prix de ta baraque. Ça me croise en ville, ça me dit tiens un gant. Le S, oula tiens bon, hein. DVS, espèce d'enculé. J'ai tout Swarovski, on vend la neige, nous on va pas au ski. 4 roues motrices, rentre dans ma matrice. 138 euros le plein. On sort tout droit de là où ça sent la piste. Même si c'est repeint, hein. 600 000 albums plus tard, putain qu'elle est loin la maternelle. On tombe pour train de vie sans preuve matérielle. J'irai braquer si la petite a des rêves que je peux pas exaucer. Je peux déléguer, mais je vais venir moi-même les désosser. Le temps la pluie, les pleurs du mat, 6h du mat. Putain que c'est tôt, pour 1002, putain que c'est trop. J'avais une haine, grande comme le monde, grande comme mon mal. Ça me porte le rime, voir dans mon froc, charplé dans le jean. Je voulais me faire la prof de maths à l'âge de division. Le rêve d'un jeune ici, c'est ranger 10 millions. 26 piges et je cause comme si j'en avais 40. Poudre, je suis pas les fiottes auxquelles je suis ma parente. Nous c'est dehors qu'on chante avec les tripes. On vend les stupes pendant que les darons triment. Pour nous offrir une vie un peu moins triste. On les rend fiers ou bien trop malheureux. Ou trop vieux avant d'avoir assez d'euros. Hein? Et je sais qui c'est. Ici ceux qui se la racontent, on sait qui c'est. Ça sert à heure pousser la fonte. Ici putain qu'on s'est visé. On a tissé des liens si forts que la mort pourrait pas délier. Je crois plus en l'homme, il est si faux. Je crois ce que des deux traits déguisés. Tu rentres à tes risques et périls. Tu tombes sur des mecs qui tapent fort. Tu repars te dévisser. Ils seront jamais là à temps pour porter secours à ta détresse. Il est loin l'hôtel de police. Si un flingue sort d'un survêtement d'un mec sous chite et sous chise. Il reste quelques photos des colorés. Des jeunes qui sont morts avant la vingtaine. Qu'auraient voulu se refaire comme Bolloré. Contrat à honorer. Le monde est pas si coloré. Des mecs ont disparu si fort qu'on sait pas si sont morts ou juste évaporés. Bain d'acide dans la pièce, munitions armes dans un box, déménage si on connaît ton adresse. One shot, on joue pas à Tetris. Y'a des grands chez moi en psychiatrique. La drogue ou une pute a rendu fou. Tu vois flou, hein. Oh, 19. C'est le S, enculé de ta mère. Tu veux jouer les hommes, t'idiote. Commence déjà par lever la cuvette quand tu vas au shot. Tu con. Je suis ni flic ni pédé. Rooftop. J'en sais avant le top 2, ça me démangeait. Il dit le A, le H, Pino, Sabri, Marmotte, Pêche, Scambri, Biso, Laps, Luch, illicite, illicite. Angelo, Polak, Souni, Mokhtar, Albert, Yanis, Yaya, Darty, Farid, Samir, Nono, Mehdi, Sami, Nene, Malik, Khalid, Fabien, Plon, Fred, l'anglais, Omar. Seb, Mickey, Sam, Mousse, Wahir, Yazid, Ahmed, Gang, Maison Baron Rouge.